Mélissa vient ce mercredi chez moi. Et on verra. Mélissa vient ce mercredi chez moi. Et peut-être qu'on s'appréciera. Je n'ai jamais vu des yeux comme les tiens. Je voudrais les garder avec moi toute l'année, Mélissa, s'il te plaît. Je voudrais les garder avec moi toute la vie, Mélissa, je t'en prie.